La deuxième intervention va être donnée par Jean-Louis Fournel, qui est professeur à l'Université Paris 8, professeur d'études italiennes, et donc qui va nous parler, enfin qui a intitulé son intervention « Les illusions ». Non, Paris 8, Paris Ouest Nanterre, donc la commu, hein, c'est ça, hein, la commu rejoignant les deux blocs, les illusions d'une prétendue commu light. Je voulais, à partir de ce titre, poser un problème qui est un peu nouveau dans notre débat. Hein, donc, rappel des épisodes précédents. En janvier, à Paris 8, Paris Ouest, il y a un débat qui commence un petit peu à pointer le bout du nez, en utilisant notamment le magnifique travail qui a été fait par nos collègues de Paris 7 et qui nous donnait beaucoup de grains à moudre, on va dire. À ce moment-là, au sein de Paris Ouest, ça n'existe pas. Au sein de Paris 8, on nous renvoie à une sorte de fiction, c'est-à-dire qu'on a inventé une possibilité qui n'existe pas, à savoir la possibilité de l'association, avec un ton relativement insultant. Au mois de mars, on en est à dire que... Non, en février, on en est à dire qu'il faut quand même des séances d'information. Donc il y a deux grandes séances d'information, une pour les enseignants-chercheurs et une pour les étudiants qui sont organisées, plus un certain nombre de séances d'information dans les différents conseils du FR. Là, pour le coup, aussi bien à Paris 8 qu'à Paris Ouest. Et puis, au mois de mars, on commence à dire que, bien sûr, il y a la possibilité de l'association, mais que ce n'est pas crédible et que ce n'est pas fiable. Et puis, on en arrive, alors là, c'est plus intéressant, grâce à l'aide inespérée de Madame Bonafous, qui, par ses lettres d'attention bienvenue, a un peu joué le rôle de la... petite allumette que l'on frotte, que l'on gratte près du bidon d'essence, on en arrive à une sorte de dévoilement, en gros, de ce que pourrait être une communauté d'université et d'établissement, de ce qu'elle sera, selon mon cas. Et à partir de là, c'est panique à bord. C'est panique à bord immédiatement chez nos présidents, qui, sur le champ, prennent contact avec la ministre devenue secrétaire d'État en lui disant qu'il faut quand même qu'elle leur écrive une gentille lettre en leur disant que Madame Bonafous s'est trompée. Donc ce que va faire d'ailleurs dans un monument d'anthologie Madame Fioraso, dans une lettre où en gros elle explique que, bien entendu, les universités composant une commu feront exactement ce qu'elles voudront au sein de la commu, ce qui est totalement, enfin de la part d'une ministre de la République, assez étonnant, puisqu'en gros, elle dit aux universités, vous aurez le droit de ne pas respecter la loi que moi-même j'ai fait passer. Donc, premier épisode assez intéressant. Cette lettre, je vous le rappelle, est datée du 16 mai, hein, c'est il n'y a pas longtemps du tout, hein, et elle est grand-guignolesque. Elle est grand-guignolesque parce qu'elle est d'abord absurde d'un point de vue légal et qu'en plus, très clairement, on est dans un type de procédure politique qui relève de celle de la querelle d'émotions au sein du Parti Socialiste, à savoir que la ministre intervient au sein de la politique intérieure de chacune des universités pour servir un camp contre un autre en ayant des positions qui sont purement tactiques. Non, on est dans l'absurdité la plus totale, mais c'est ce qui nous gouverne actuellement. Encore plus d'ailleurs qu'un dessin de grand méchant loup, je crois qu'on est face à un degré d'incompétence rarement atteinte de la part des cabinets, et ça ne va pas s'arranger avec la composition du nouveau cabinet de Madame Fioraso. Donc, on en arrive à ce moment-là, au lancement exactement dans la foulée du débat sur la fameuse version zéro des statuts de la commune. Alors on en est tous là, on a tous des versions zéro des statuts de la commune. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ces versions zéro ont été rédigées probablement un petit peu dans l'urgence, on le voit, qu'elles ont été rédigées il n'y a pas très longtemps parce qu'elles tiennent compte de ce qui s'est passé depuis le mois de janvier. Et je crois qu'il faut qu'on en soit intimement conscient, c'est-à-dire que les versions zéro, alors puisqu'on est des enseignants-chercheurs, on pourrait faire un stéma de philologue sur cette question, un peu anecdotique, et considérer qu'il ne serait pas totalement impossible, si on compare par exemple les versions zéro des statuts de la communauté ESAM aux versions zéro des statuts de la communauté Commu Paris 8, Paris Ouest, à d'autres statuts version zéro, j'en suis sûr, de retracer par un beau schéma le fait qu'à l'origine, eh bien, il y a un groupe constitué, alors au choix, à la CPU ou au secrétariat d'État ou dans des réunions informelles de la CPU et du secrétariat d'État avec tel ou tel conseiller dont peut-être un célèbre membre des historiens de l'HESS qui se complaît dans des interventions ridicules sur les questions de communes et d'associations. Peu importe à la limite, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a effectivement un lieu dans lequel on fournit des éléments de langage pour les versions zéro des statuts, et que ce lieu est unique, et que donc nous sommes, une fois de plus, dans le mélange que nous connaissons bien depuis la loi LRU et depuis même avant, d'intervention de l'État de façon massive pour contrôler tout ce qui est stratégique dans la pseudo-autonomie des universités. Alors, que nous disent ces statuts version zéro? Alors, c'est assez étonnant parce que ces statuts version zéro, c'est, comme disait l'autre, un grand hommage que le vice fait à la vertu c'est nous évidemment, à savoir que ces petits vicieux du comité Théodule qui a produit les statuts de la version zéro se gardent bien de parler de compétences transférées. Il n'y a plus de transfert de compétences. Alors, ce qui est quand même assez hallucinant quand on voit ce qu'est la loi, c'est-à-dire que on ne parle plus, alors avec dans la nouvelle, alors j'insiste là-dessus parce que je crois que c'est quelque chose d'important, on ne nous parle plus que de compétences de coordination. C'est le nouveau mot central, la compétence de coordination qui évite le terme de compétences transférées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des compétences de coordination, on n'a plus besoin des compétences transférées. Alors c'est très important parce que quand on dit compétences de coordination, ben c'est plus soft, c'est plus sympa, c'est plus light, comme ça on peut faire croire aux gens que si on est dans une logique de coordination, il n'y aura pas, évidemment, de mouvement, de perte de prérogatives de la part d'une instance par rapport à la nouvelle instance. Et c'est à partir de ce type de logique-là, je vous en donne un exemple sémantique qui est la compétence de coordination, mais on pourrait en prendre d'autres, qu'est en train de se construire le débat sur les statuts V0 des communes. Alors c'est grave à plusieurs titres. D'abord parce qu'on se moque de nous. Ensuite parce qu'au mieux... on est face à des personnes qui ont un certain degré de bonne foi, c'est-à-dire qui pensent que vraiment que la commu peut être une commu soft. Hein, excusez-moi pour cette autre intrusion de l'anglais dans mon discours, mais surtout, on est face à une confiscation totale d'une possibilité quelconque de débat, puisque, en quelque sorte, les statuts version zéro font semblant d'être des statuts d'association. Donc, proposent des... forme de rédaction qui pourrait correspondre à d'éventuels amendements si on avait envie de discuter sur ces statuts que une opposition dans un CA pourrait faire dans une discussion sur ces statuts. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit quelque chose de tout bête, c'est que la commune n'est pas amendable. Voilà, que la commune n'est pas amendable et qu'à la limite, on n'a pas à participer, à mon sens, je le dis extrêmement clairement, à une discussion d'amendement sur les statuts d'une future commune, dans la mesure où la façon dont ont été conçues les versions zéro des statuts de la commune est une démonstration absolument extrême, d'une rigueur impressionnante, que de toute façon, le débat n'est pas là. Le débat, il est purement et simplement dans la décision de passer ou non à la commune, dans le vote qui va faire suite à cette discussion des statuts sur le passage ou non à la commune. Pour une raison qu'on ne cesse de répéter, mais qu'il faut encore répéter, parce que c'est une raison qui est absolument centrale, cruciale, à savoir que après le vote de la commu, ben c'est fini, c'est terminé, on va à la pêche, parce que de toute façon, le CA de la commu a cette possibilité totalement exorbitante, extravagante, au sens de l'étymologie latine juridique de cet adjectif, à savoir qu'elle peut tout à fait décider elle-même d'augmenter ses propres prérogatives sans en parler à quiconque. Et les gens peuvent nous dire ce qu'on veut. En ce moment, il y a deux lignes de défense de la commu qui se développent à Paris 8 et à Paris Ouest. La première ligne de défense, j'y reviendrai tout à l'heure, puisque M. Fuchs a fait une intervention au Conseil scientifique sur cette question après un certain nombre de questions insistantes d'Alain Trautmann, heureusement, c'est le CNRS ne participera pas à des associations, il ne participera qu'à des communes. On peut en reparler éventuellement après. Deuxième ligne de défense, qui est absolument extraordinaire, mais franchement, la commu, c'est beaucoup plus démocratique que l'association. Avec deux idées derrière, c'est plus démocratique parce qu'il y a des élus. Alors, après, on peut reprendre le débat à partir de la lumineuse intervention de Michel sur le cavalier législatif. Et c'est plus démocratique parce que, quand même, ça nous laisse entre nos mains une partie de la décision de la fusion à venir. Vous m'entendez bien. J'ai bien dit ce que je viens de dire. À savoir que, nouvel argument qui vient de sortir, parce que ce qui prouve qu'il y a c'est un peu panique à bord, parce que c'est un argument d'une faiblesse insigne d'un point de vue rationnel. Si, de toute façon, si le ministère veut une fusion, il l'imposera. Et ça sera plus facile pour lui de l'imposer si on est en association que si on est en communauté de diversité. Bon. Donc, ça, c'est le dernier argument, je vous signale, qui vient de sortir. Sur le CNRS, réponse de Fuchs à une question qui était formulée de la façon suivante, à la suite d'un échange avec Alain que j'avais pu avoir juste avant. N'y a-t-il pas un petit problème politique à ce que le CNRS se place dans une situation de semi-chantage politique à l'égard des communes, en disant que s'il n'y a pas communes, il n'y aura pas CNRS? Bon. Au-delà du fait que, vu l'état piteux et loqueteux des budgets du CNRS, tant sur le plan humain que sur le plan des crédits récurrents des équipes, l'intervention financière du CNRS dans des communes ne sera sans doute pas un grand moment de relance économique de nos moyens. Mais c'est pas ça qui compte le plus, c'est effectivement cette espèce de petit chantage qui ne dit pas son nom, de piteuse attitude de la part du CNRS, comment dire, d'aide au ministère dans son entreprise de vote des communes. Alors, il est assez intéressant de remarquer à cet égard qu'il a fallu un peu de temps pour que M. Fuchs accepte de répondre. Finalement, il a répondu. Et il a répondu qu'évidemment, il n'était pas question de punir, en quelque sorte, les gens qui choisiraient l'association. Le CNRS pouvait considérer que c'était plus efficace de se mettre dans des communes que de continuer à travailler avec des associations. Mais par définition, avec des associations, il n'aura pas à se mettre dans l'association, puisqu'il n'y aura pas de membres extérieurs de l'association comme on l'a dans une commune. Il continuera simplement à faire son travail au sein des UMR, comme il doit le faire. La chose importante étant qu'il n'est pas prévu à cet égard d'une politique violente et brutale de désumérisation éventuelle de laboratoires inscrits dans des associations. Ça peut paraître quelque chose de secondaire, mais ce n'est pas inintéressant, parce que d'une part, ça montre, un, qu'ils sont très embêtés qu'on leur pose cette question, ils n'y répondent pas de façon immédiate, et deux, qu'ils sont obligés de prendre un certain nombre d'engagements quand on leur pose la question sur ce point, à savoir qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi totalement. Donc, on en est là, et ce que l'on va essayer de nous démontrer, notamment par une table ronde à laquelle je convie tous ceux qui veulent venir, qui aura lieu le 11 juin à Paris 8, sous forme de duel médiéval entre les partisans de l'association et les partisans de la commune. Donc, organisée par, non pas par la présidente, parce que la présidente n'organise rien, puisque nous sommes dans une université démocratique, mais par une des listes représentatives de l'université Paris 8, et qui détient la majorité dans cette université Paris 8, et qui donc a demandé qu'il y ait un débat. Enfin, ça fait depuis le mois de janvier qu'on le demandait, on n'avait eu droit qu'à des informations, donc là il y a un débat en quelque sorte à égalité entre les deux positions, autant de membres d'une position que de membres d'une autre position qui aura lieu. Et ce débat, alors c'est ça qui est intéressant, parce que ça montre une position très clairement affichée. Ce débat est aussi destiné à mettre en évidence non pas simplement les divergences entre l'association et la commu, mais les points de convergence entre les personnes défendant l'association et les personnes défendant la commu. Alors, j'en reviens ici donc à la commu light. Les versions, les V0 dissimulant sous le tapis ce qui peut poser problème, tentent de faire passer une sorte de discours qui, pour le coup, là, est vraiment de l'ordre de la fiction et qui est une sorte de tentative de construction d'une espèce de légende urbaine, en l'occurrence périphérique, selon laquelle nos positions seraient en fait proches. C'est-à-dire que, en définitive, on défend la même chose, on a des façons de déployer ces convictions qui sont légèrement différentes. Mais en gros, là, on est dans de l'institutionnel, c'est pas très grave. En définitive, si on est entre gens de bonne volonté, on va pouvoir s'arranger. Et quand je dis ça, je suis pas agressif à l'égard des personnes qui prétendent ça. Ils y croient peut-être. Ce n'est pas exclu qu'une bonne partie d'entre eux y croient. Mais, alors, très clairement, moi, la position que je défendrai lors de cette table ronde sera la suivante. Je le dis maintenant, comme ça, ils pourront se préparer pour les réponses, puisqu'ils vont écouter ce qui sera mis en ligne à l'EHESS. Bonjour, François. Ma position sera très clairement la suivante. Quel que soit le degré de bonne volonté et de bonne foi des personnes qui défendent cette position, ils ne sont pas maîtres du jeu. On rentre dans une nouvelle étape de la constitution d'un nouveau type d'université encore, dans lequel nous ne serons plus maîtres du retour en arrière. Et comme il ne faut jamais cesser de le dire, les bonnes institutions, ce sont celles qui restent bonnes quand on met des mauvaises gens à leur tête, et les mauvaises institutions sont celles qui restent mauvaises quand on met des gens, y compris respectables, à leur tête. Donc le problème n'est absolument pas de la bonne volonté de nos présidents et de leur soutien. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, qui en gros ne m'intéresse pas. Le problème, il est extrêmement clair, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible à partir du moment où la commu sera votée. Donc il n'y a pas de commu light, il n'y a pas de commu soft, il n'y a pas de possibilité de garde-fou à la commu dans l'état actuel de la législation française. En revanche, dans l'état actuel de la législation française, il y a un moyen d'échapper à la commu.